Je suis le vieux Père Noël, bienfaiteur de l'humanité. Contre sa bile, je m'insurge avec mon pote Saint-Nicolas. J'ai tout ce qu'il faut dans ma hotte, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infameurs de l'univers. Son mal vient des capitalistes, plus ou moins grands à la ronger. En avant les gars anarchistes, fils de marins, faut la purger. J'ai du pétrole et de l'essence pour badigeonner les chalons. Des torches pour la circonstance, à mettre en vitre le flambeau. J'ai du picrate de potasse, tout soufré du chlore en tonneau, pour assainir partout où passent les empoisonneurs de cerveau. J'ai des pavés et de la poudre, de la dynamite à poison, qui rivalisent avec la poudre pour débarrouiller leurs boutons. J'ai poudre verte et mes limites, tous les fameux produits mes enfants, pour nous débarrasser plus vite de ces mangeurs de pauvres gens. J'ai pour les gamins de la table, la bombe placée à sévir, l'eau d'un ballon dirigeable par les droits pour les rafraîchir. Voleuses et traîtres, bourgeoisie, prêtres et bandits, couronnés, il faut que d'Europe en Asie, vous soyez tous assaisonnés. J'ai tout ce qu'il faut dans ma route, sans le tonnerre et les éclairs, pour bien purger toute la clique des infameurs de l'univers. Alors, c'était les René Binamé avec Le Père La Purge, une toune de circonstance quand même. Il faut bien jouer un peu de toune de Noël, n'est-ce pas? C'est dans la thématique. Alors, vous êtes sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Il est 5 heures. Vous écoutez En profondeur votre émission d'actualité francophone tous les lundis de 5 heures à 6 heures. Alors, aujourd'hui, un grand reportage par notre équipe de Gang d'Esti, Esti comme dans l'Est, Esti comme dans Hochelag, qui ont rencontré le Comité Bail et l'OPDS, deux groupes communautaires de Montréal. En fait, c'est même pas des entrevues, c'est des conversations, c'est des longues conversations sur le sujet suivant. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le matin du 27 novembre, on a trouvé quatre vitrines brisées, donc dans des commerces de Hochelag. Et les briques étaient joliment emballées dans un communiqué qui dénonçait les jeunes entrepreneurs joyeux et sans scrupules et leur table d'hôte à 25$ et leur milieu aseptisé, entre autres. Ce qu'on peut traduire par, ce qui a été traduit par dénonce l'embourgeoisement dans les médias, mais évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Alors, Carole Poirier, députée du PQ dans Hochelag, qui dit, entre autres, il y a mieux à faire avec des briques que de les lancer. C'est quand même très profond. Et qui lance la création d'un comité de travail qui va, je cite, étudier les problématiques associées à la revitalisation. Et pour répondre aussi à la crainte des nouveaux citoyens de Hochelag de voir s'installer la violence dans leur quartier, etc., etc. Donc, il y a différents groupes communautaires qui ont été invités à participer à ce comité de travail, mais les groupes communautaires, comme vous allez le voir dans les deux entretiens, ben déjà, d'une part, ils savent déjà c'est quoi le problème, puis d'autre part, le mot revitalisation, pour eux, c'est un mot qui est très problématique, qui veut dire plein de choses, qui cache plein d'autres choses. Donc, la première entrevue, c'est avec le comité bail. C'est en deux parties. La première entrevue, c'est avec le comité bail. La deuxième, avec l'OPDS. Et entre les deux, je vais jouer une toune des Sophie Lanthrope, La Place Valois. Alors, bonne écoute. Alors, on est avec Chloé et Jonathan du comité bail. On vient leur poser quelques questions. Notamment par rapport au phénomène de la gentrification dans Hochelaga. Qu'est-ce que c'est que la gentrification et qu'est-ce qui se passe ici? Mais en fait, la gentrification, on peut voir ça comme un certain mouvement, donc qui se passe dans un quartier ou dans une ville, où il y a une espèce de changement dans la composition, ce qu'on pourrait dire, sociale et économique du quartier. Donc, ce qu'on va remarquer concrètement, c'est l'apparition soit de nouveaux commerces plus dispendieux, mais aussi un arrivée de population qui a un statut socio-économique plus élevé que la population qui était là auparavant. Donc, des gens de classe, mettons, moyenne ou quand même aisée qui vont arriver dans des quartiers dits traditionnellement populaires. Par rapport à ça, il y en a certains qui vont employer le terme de gentrification ou d'embourgeoisement, puis d'autres, comme des élus, dont Schlaga, qui vont parler de mixité sociale. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? En fait, les gens qui sont plutôt, mettons, en faveur de la gentrification ou qui ne sont pas dérangés par la gentrification vont aussi utiliser les termes revitalisation. C'est un peu une espèce de manipulation, tu sais, pour dire, ah ben vous voyez, c'est un quartier qui a différents problèmes, un quartier qui peut être bondi, mettons, délabré, tu sais. Tu sais, les logements sont en mauvais état, les commerces... n'ont pas assez de choix, donc tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le revitaliser. Donc, c'est en plus, le mot revitalisation, je pense que c'est encore même pire, tu sais. C'est comme vraiment une façon d'occulter totalement comme les autres phénomènes qui se passent pendant ce temps-là. Par mais rapport à... dit, on veut, nous, au Comité Baisse, se réapproprier le terme revitalisation. Donc, depuis 2009... Notre campagne, nous, c'est pas une campagne anti-gentrification, mais c'est une campagne pour la revitalisation populaire. C'est-à-dire que, comme Chloé dit, c'est cette revitalisation que les élus parlent, puis que les promoteurs et les spéculateurs parlent, c'est une revitalisation qui se fait finalement à coup d'exclusion, puis à coup de tassage, finalement, des classes les plus pauvres. Nous, ce qu'on dit, c'est que notre revitalisation, c'est une revitalisation qui est, au lieu de créer de l'exclusion, va être inclusive. Donc, par le biais du logement social, par le biais d'initiatives communautaires, sociales dans le quartier. Puis, je ne sais pas si tu l'as abordé, la question de la mixité sociale, mais la mixité sociale, tu sais, on l'a dans les logements sociaux. Donc, c'est un détournement. Là. Ce que les... T'sais, entre autres, à la conférence de presse que M. Ménard, dans l'entrevue que vous m'avez fait écouter tantôt à Radio-Canada, Radio, ce qu'il dit, c'est la mixité sociale, blablabla, mais c'est un détournement de sens. En fait, ce qu'on devrait entendre par le mot mixité sociale, ce serait plutôt mixité de tenure. C'est-à-dire, la mixité sociale, tu ne l'as pas nécessairement parce que tu mets des condos à côté de logements. T'sais. La mixité sociale, tu l'as... dans une coopérative où il y a des travailleurs et des travailleuses qui habitent sous un même toit que des gens à plus faible revenu. Puis c'est d'autant plus une mixité sociale qu'entre autres, dans une coopérative, ils doivent interagir ensemble. Ils ont des assemblées générales. Tandis que quand tu mets juste un bloc de condo à côté de logement, ben, souvent, ces gens-là, ils se parlent même pas. Fait que comme mixité sociale, ben, puis... c'est mixité de tenure, c'est-à-dire qu'on a des logements de type propriété puis des logements de type location puis on les met un à côté de l'autre. Fait que tu sais, on détourne complètement le sens de mixité sociale. Puis on le détourne aussi parce qu'à chaque fois qu'on parle de mixité sociale, c'est dans un contexte comme pour défendre un peu la gentrification. On ne parle jamais de mixité sociale à Westmount, jamais de mixité sociale à Ville-Mont-Royal. Le HLM à Westmount. Mais globalement, on ne dit pas, disons que le quartier Westmount ou Ville-Mont-Royal sont des quartiers assez homogènes, on devrait favoriser une mixité sociale. Ben non, ça n'arrive jamais. Fait qu'on se questionne la mixité sociale où puis pourquoi. Les pauvres. Alors justement, on voit qu'il y a une guerre de langage en ce moment. Là. On vient d'en parler avec la gentrification, la mixité sociale, la revitalisation, puis qu'est-ce qu'on place derrière ces mots. Puis là, on a pu voir de la part des gens qui soutiennent gentrification, en tout cas revitalisation économique, une confusion en disant que l'argent, comme si l'argent, le fait qu'il y ait des personnes qui aient plus d'argent dans le quartier, ça va amener... plus de bien-être aussi, parce qu'il y a des épiceries fines qui vont se développer avec des aliments bio, machin, qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde. Fait que ça va donner quand même aussi l'image d'un quartier plus sain, plus en santé, puis plus éduqué, en tout cas avec des gens qui ont des postes plus élevés dans la société, etc. Mais enfin, j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus sur la confusion entre argent et éducation, argent et revitalisation, puis entre argent et bien-être. Mais la première chose que je dirais, c'est que de mettre des riches et des pauvres ensemble, ça ne fait pas qu'il y a une redistribution de la richesse. T'sais. La redistribution de la richesse, elle se fait sous différents mécanismes, notamment l'impôt, puis ensuite t'sais, des programmes sociaux gratuits ou accessibles. Donc, ça ne va pas amener nécessairement plus d'argent pour l'ensemble du quartier. Ça va amener plus d'argent pour qui? Ben, peut-être pour certains nouveaux types de commerces, mais visiblement, ces nouveaux commerces-là non plus ne profiteront pas à l'ensemble de la population. Mais tu vois, même au comité bail, des fois, on a des divergences. Comme moi, je suis pas d'accord de dire que dans Hochelaga-Maisonneuve, on met des riches à côté des pauvres. 85% de ce qui se construit comme condo dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est des condos abordables. Oui, donc... mais attends, condo abordable, c'est quoi? C'est genre 200 000, 250 000, ouais, 300 000? C'est ce qu'on appelle logement abordable. Donc, c'est des condos qui sont à 95% du prix médian. C'est des condos qui sont accessibles pour des ménages comme des familles où tu as, mettons, deux adultes qui travaillent dans une job, mettons, comme d'infirmière, de professionnel. Donc, c'est souvent des... En fait, dans Hochelaga-Maisonneuve, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est des travailleurs, des travailleuses qui ont... un revenu, puis souvent c'est des couples aussi qui ont à deux un revenu suffisant pour accéder à la propriété. Maintenant, la façon de faire, tu sais, c'est pas parce qu'on met des... Tu sais, c'est sûr que c'est pas les gros bourgeois là, non, caractéristiques ça, de Westmount qui débarquent dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc c'est pas... Puis c'est pour ça que nous, le Comité Bail, la rhétorique qu'on a, c'est pas une rhétorique de, tu sais, attaquons les gens qui vivent dans les condos, tu sais. Nous, on est plus du genre, attaquons les promoteurs, les spéculateurs, c'est ça qui est vraiment... C'est ceux qui... Puis les élus qui donnent toutes les conditions pour réaliser ce changement urbain-là. Mais bon, tu sais, souvent... Tu sais, il y a un des endroits dans le quartier où le taux d'effort est le plus élevé. Donc, le taux d'effort, c'est le pourcentage de revenus qui est consacré à l'habitation. C'est dans un des blocs de condos qui est situé sur Pierre-de-Coubertin. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un des endroits où les condos sont les plus luxueux, donc les plus chers, mais également, c'est un des endroits où les gens se sont tellement endettés pour avoir accès à la propriété. Fait que, tu sais, c'est pas tellement les gens qui vivent dans les condos, c'est toute la logique d'accession à la propriété. Puis ça, en ce moment, là, c'est rendu... C'est quasiment aussi populaire que la Bible à Montréal. Là. Je veux dire, l'accession à la propriété, toute la campagne électorale municipale s'est faite sur quel terme? L'accession à la propriété. C'est l'accession à la propriété. C'est rendu un must d'accéder à la propriété. Et là, on crisse des gens dans des condos, donc des condos qui sont souvent crissement mal construits. Là, il y a la Gazette, j'ai pas eu le temps de voir, mais la Gazette a sorti un tableau juste dans Saint-Henri, parce qu'aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un du quartier Saint-Henri, 28% des condos qui sont pas vendus. T'sais. Donc, Hochelaga-Maisonneuve, c'est forcément un chiffre aussi élevé, sinon plus. Donc, tu sais, tu te promènes là, les places de gros condos, les pancartes à vendre, c'est partout. Les gens restent souvent, achètent leur premier condo, restent un an, veulent leur vendre, et là, finalement... fait que... Et après ça, tous les problèmes de copropriété, ça, on va le voir, là, de plus en plus, ça explose. Là. Les notaires sont obligés de travailler là-dessus, parce que là, les gens se rendent compte que finalement, là, ils accèdent à un condo. On leur avait promis par l'accession à la propriété qu'elle atteigne le paradis. Et là, finalement, ils se rendent compte que, ben Chris, ils sont peut-être propriétaires, mais ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont pas propriétaires, mettons, d'un bungalow de banlieue, parce que là, ils sont vraiment propriétaires. Non, là, il faut qu'ils passent par le syndic de copropriété pour changer telle affaire parce que ça connecte avec le voisin, donc c'est pas... Et là, il y a des règles tellement complexes. Fait que, tu sais, toute cette logique-là, finalement, on se rend compte que ce n'est qu'une logique de promoteur, de spéculateur, puis que les gens qui achètent, finalement, sont loin d'être plus heureux, sont loin d'être aussi libérés. Et moi, je serais vraiment intéressé de savoir le taux de gens qui partent des condos pour revenir à la location. Puis je serais pas surpris que ça soit assez élevé de voir plusieurs personnes juste faire fuck-off l'accession à la propriété, puis je suis mieux locataire. Il y a l'éducation, ça, il y a un impact direct de la gentrification qui est en fait, comme dans Hochelaga-Maisonneuve, les écoles, bon, là, sont fermées, mais quand on avait des écoles là, qui n'étaient pas fermées, là, ces écoles-là, on regarde le revenu des gens dans un secteur autour, là, je ne sais pas exactement c'est quoi le secteur, et on évalue le revenu, puis on se rend compte que bon, le revenu est tellement bas qu'on considère ces écoles-là comme étant dans des zones défavorisées. Les écoles de zones défavorisées ont des subventions spéciales pour les aider dans leur mission. Ils ont je pense déjeuner. Ouais, les orthopédagogues, les. Tu sais, bon, ils ont des ressources spécialisées parce qu'ils interviennent dans un milieu défavorisé. Mais là, l'arrivée de condos, ça fait augmenter le revenu autour des écoles. Souvent, les gens qui habitent les condos n'ont pas d'enfants, parce que la plupart des condos qui se construisent, c'est des 3 et des 4,5. Donc, souvent, n'ont pas d'enfants. Quand ils en ont, souvent, c'est pas une garantie, mais souvent, ils fréquentent pas les écoles de proximité. Donc, l'école voit ses subventions de milieux défavorisés diminuer ou disparaître parce que le revenu médian ou moyen autour a augmenté. Mais la population de l'école, elle, n'a pas vraiment changé. La pauvreté à l'école est toujours la même, mais on considère que l'école n'est plus dans une zone défavorisée. Donc, il y a carrément un lien direct à faire entre l'augmentation du revenu, donc la gentrification, puis le mauvais financement des écoles aussi. Il y a une accélération de la réflexion, ou en tout cas des par rapport à la gentrification dans le quartier. Depuis une semaine à peu près, depuis qu'il y a des vitres qui ont été brisées dans le quartier et qui ont été essentiellement orientées vers les promenades Ontario, puis un café-restaurant sur Sainte-Catherine. C'est qu'il y a un comité de travail qui a été créé sous l'impulsion de Carole Poirier avec des élus, des jeunes entrepreneurs, puis un organisme communautaire à date. Je veux savoir, vous, en tant qu'organisme communautaire, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Ben nous, sur la question du comité de travail, donc ce comité de travail-là, ça y est formé par les 3 élus. Je crois avoir compris qu'il était sous l'égide de la CDS, la Corporation de développement économique de l'Est de l'île. Il y a la SDC, donc la Société de développement commercial, qui regroupe là, en fait, ce qu'on appelle les promenades Hochelaga, parce que promenade Ontario, ça n'existe plus. Ça a fusionné avec Sainte-Catherine, donc maintenant, c'est promenade Hochelaga. Et il y a la table de quartier qui va... donc, la table de quartier qui réunit là, plusieurs, là, une cinquantaine d'organismes communautaires dans le quartier. Nous, on a eu une invitation là, tout de suite après la conférence de presse. Là, nos instances ne se sont pas encore positionnées à savoir si on allait travailler ou pas. À chaud comme ça, ce qu'on peut dire, parce que bon, c'est assez vite, c'est que la première réaction, c'est bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre comité puis une autre patente pour étudier un phénomène qu'on connaît déjà? Le parallèle, là, il y a quelqu'un qui a fait un exemple là, avec l'itinérance, un parallèle avec l'itinérance. À toutes les fois qu'il y a un itinérant qui meurt de froid, la ville arrive et dit « c'est dramatique, on va faire un comité d'études sur l'itinérance pour prendre l'ampleur de la problématique ». On la connaît, la problématique. La gentrification, on le sait, c'est quoi? Là? C'est pas nouveau. C'est pas juste dans Hochelaga-Maisonneuve. Demain, on va faire une conférence de presse avec d'autres comités logements pour montrer que c'est pas mal tous les quartiers centraux de Montréal qui sont soumis au même processus. C'est documenté. Dans la déclaration, on parle des hausses de loyers. On a les chiffres. Bon, on s'estimait tantôt à savoir si les gens... étaient déplacés d'un quartier à l'autre, il y avait un mouvement de population. Effectivement, on attend les nouveaux chiffres pour savoir, t'sais, mais t'sais, les chiffres, puis les réalités, puis les conséquences de la gentrification sont connues. Fait que c'est pas un nouveau comité de travail qui va venir réinventer la roue. T'sais. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, là où il y a peut-être un aspect positif à ce comité-là, c'est sur un phénomène qu'on a de la misère à quantifier, c'est la conversion des condos, des logements locatifs en condos. Donc, c'est un élément qu'on a de la misère à prendre vraiment l'ampleur du phénomène parce que plusieurs se font à l'abri de la ville, donc sans que la ville soit nécessairement au courant. Puis, on a de la misère à évaluer là, vraiment l'importance réelle de ce phénomène-là. Mais les conséquences, on les connaît. Les conséquences de la conversion, c'est des gens qui perdent leur logement, c'est une hausse davantage des loyers. Donc, tu sais, fait que, bon, c'est bien beau un comité, on dira pas que c'est uniquement de la merde, mais c'est nettement, nettement insuffisant. Fait que les conséquences, on les connaît, mais aussi les solutions, on les connaît. T'sais. Puis c'est quoi les solutions? Ben, c'est d'abord, en tout cas, en matière de logement, parce que c'est évidemment notre expertise, c'est 50 000 nouveaux logements sociaux pour répondre aux besoins les plus urgents de la population. C'est 50 000, donc ça veut dire 900 pour Hochelaga-Maisonneuve. C'est un réinvestissement massif dans le logement social de la part du fédéral et du provincial. Puis c'est des outils permettant l'accès au terrain puis aux immeubles de la part de la ville. En fait, la création d'une réserve de terrain d'immeubles. Tu sais, on a beau prétendre que il faut étudier le problème pour trouver des solutions, les solutions, on les a, là. T'sais, si on veut lutter contre la spéculation puis contre la condoification des quartiers, c'est simple. On construit des logements sociaux, on permet de protéger des terrains de la spéculation pour le développement de logements sociaux, puis on adopte des trucs comme, mettons, un registre des loyers qui permettrait d'avoir un meilleur contrôle sur les augmentations abusives, puis on met un règlement en place pour l'ensemble du Québec pour empêcher la conversion des logements locatifs en condos. Fait que, tu sais, les outils sont là, là, les solutions sont là. Maintenant, les élus ont bon faire 25 comités. Je veux dire, les solutions ne changeront pas parce qu'ils ont fait un nouveau comité. C'est de la volonté que ça prend plus qu'un comité. Je pense que Jonathan vient de bien énoncer nos revendications. Okay. Fait qu'on invite tous ceux et celles qui sont préoccupés par ces questions-là à venir se joindre à nous pour donc revendiquer 50 000 logements sociaux et donc la réserve de terrain et d'autres investissements là, en matière de logement. Oui, un truc qui m'intéressait, ça va être ma dernière question, peut-être le mot de la fin aussi. La violence faite contre du matériel versus la violence faite sur des vies humaines. Nous, ce qu'on disait, c'est que on trouvait ça un peu ironique que les élus se scandalisent pour 4 briques dans une fenêtre, alors qu'il y a des gens qui se font expulser de leur logement, il y a des gens qui tombent à la rue, il y a des familles qui ont de la misère à arriver. Puis cette violence-là, qui est la violence économique, pour nous, elle est beaucoup plus préoccupante, beaucoup plus alarmante qu'une vitrine brisée. On comprend que c'est pas le fun pour des restaurateurs, mais quelqu'un qui perd son logement en plein hiver, ou même en plein été, je veux dire, c'est une vie plus qu'une vitrine. De l'autre côté, dans le même quartier, des gens travaillent temps plein dans des emplois affreux pour des salaires de crève-faim. Et le père de l'autre de cette famille de pauvres engraisse les oies à l'abattoir dès l'aube jusqu'à ce qu'il crève, une foie parfaitement gras pour les petits bourgeois de la place Valois. Dans les abattoirs, les fils d'avocats, les fils de médecins ne travaillent pas. Papa les fera vivre au moins jusqu'au doctorat. Dans les petits restos de la promenade, des artistes ratés se tapent la plonge. Le restaurateur reçoit les éloges du député pour le développement économique. Des étudiantes endettées servent cernées en dessous du salaire minimum. Et les jeunes professionnels commandent, parlent de leur fric et de leur condominium. Des comptes par milliers. Les nouveaux riches se gavent des burgers de foie gras, des grands crus, rien de mieux qu'un repas à 50 dollars, des poutines au caviar, ah ça je l'aurais jamais cru. Un clodo qui mende devant la place UP, le flic il vend à l'idée de lui donner encore une amende qu'il ne pourra jamais payer. La riche aime les flics, les flics. et du Pepsi Cola. OK, alors on est à l'OPDS avec Pierrette, Adam, Lucie, Marie-Christine et Maude qui sont tous des militantes et militants de l'OPDS. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez simplement nous présenter l'organisme? On est un groupe de défense de droits pour les personnes à l'aide sociale. D'une part, on fait de la défense individuelle de droits, donc s'il y a des gens qui ont un problème à l'aide sociale, ils sont nombreux. Ils peuvent venir nous voir, on les aide dans certaines démarches. On fait aussi de la défense collective de droit. On pense que ça se passe de façon plus efficace dans l'action et sur le terrain, dans la rue. Alors, on dérange à l'occasion. On fait de l'éducation populaire aussi, des activités pour briser l'isolement des assemblées de quartier. Et ça fait 34 ans cette semaine. Oui, 34 ans cette semaine que l'OPDS existe. Okay. Oh. Est-ce que, justement, par rapport à ça, vous pourriez nous expliquer un peu le contexte social et économique dans Hochelaga-Maisonneuve? Un quartier où la vie de quartier, je pense, a toujours été très présente. Juste au niveau comme de l'espace physique, là, les ruelles existent de moins en moins avec les blocs de condos, mais ça a toujours été comme un lieu de rassemblement. Quartier ouvrier, d'abord. Ouvriers, mais les usines ont fermé, les gens sont restés, puis les ressources n'ont pas toujours suivi. Il y a eu beaucoup de coopératives. Oui, il y a eu beaucoup de d'initiatives du milieu. Ça, il y a plein de groupes communautaires dans Hochelaga qui sont issus de. Des gens, en fait, là, que les gens ont voulu se regrouper, trouver des lieux communs, des endroits où faire avancer les choses, mais que il y en a qui ferment faute de fonds ou de ceux qui ont un discours trop dérangeant se font couper leur subvention. Par rapport au quartier, ça a vraiment changé. Moi, j'y habite depuis 13 ans. Puis j'ai vu vraiment, là, sur un petit peu plus qu'une décennie, ça. Déjà, Ontario, c'est plus du tout la même chose. Là. L'endroit où il y avait la traque de chemin de fer s'est rendu des blocs de condos vitrés. Il y a plein de commerces qui ont fermé, qui ont été remplacés par d'autres commerces où les gens qui habitent dans le coin ne peuvent pas y aller parce que c'est trop cher. Même les hot dogs ont augmenté. Le prix des hot dogs, ça, c'est grave. Oui, effectivement. En fait, qu'est-ce qui est paradoxal un peu, c'est que les gens travaillaient dans les usines avant. Ils avaient accès à ces usines-là. Maintenant, ils sont convertis en condos. Puis, ils n'ont même plus accès à ces usines-là, finalement. Donc, c'est un peu paradoxal, tu sais, qu'au final, toute la logique d'accessibilité de ces bâtiments-là, ils n'ont plus accès parce qu'il y a des gens qui s'établissent dans le quartier puis habitent dans ces logements-là. Par rapport à la promenade Ontario, je disais les commerces ont changé, mais quand j'ai déménagé dans le quartier, il y avait plusieurs antiquaires ou des petits magasins de différents trucs sur Sainte-Catherine, entre le viaduc et Pinneuf, plus ou moins. Puis les quelques commerces qui ont survécu ont migré pour la plupart sur la promenade Ontario, puis jusqu'à Sainte-Catherine, c'est désolé, là, sur Sainte-Catherine, c'est plein de fenêtres barricadées. À l'est de Sainte-Catherine, ils ont décidé de faire une promenade cute, un peu comme qui a été fait sur Ontario, mais ça fait que tout un pan de Hochelaga comme, je sais pas, centre-est? Centre-ouest, pardon. Tout le sud-ouest du quartier. C'est un des quartiers les plus. Un des secteurs du Canada qui est les plus beaux. D'ailleurs, c'est un petit peu paradoxal. Dans une partie du quartier, on construit des beaux condos neufs sans moisissure. 300 000. Puis à quelques pas, au sud d'Ontario, il y a un paquet de taudis sur Sainte-Catherine. Le comité bail va pouvoir vous le confirmer, mais il y a un paquet de. Sur Sainte-Catherine, un paquet de logements qui sont inhabitables. Il y a des gens qui habitent actuellement. Là. Donc, c'est un peu paradoxal. On parle de revitalisation, mais revitaliser, c'est aussi offrir aux gens du quartier des logements qui sont viables, là, qui sont vivables, Nous, on parle pas de revitalisation. Non, je parle pas de revitalisation. Okay. Non, mais je dis juste qu'au final, c'est un peu paradoxal. On engage des inspecteurs, tout ça. On leur donne, genre, on leur dit d'inspecter ces immeubles-là, mais au final, les propriétaires qui sont délinquants, on devrait les exproprier, là, puis mais... faire des logements sociaux avec ces logements-là, tant que ça soit à des propriétaires qu'au final, ils n'entretiennent pas à travers les années, puis qu'en plus, engrangent des profits importants sur le dos des locataires. On devrait juste simplement les exproprier. Puis la ville a tous les pouvoirs pour le faire. Là. C'est, puis même dans la campagne électorale, notre cher Denis Coderre l'a promis, mais il n'y a rien qui est fait là, actuellement. Fait que, c'est... Ouais, une question que j'aimerais bien vous poser par rapport aux promenades Ontario. On a appris hier que maman s'appelait Promenade Hochelaga. En tout cas. Et, C'est pas la société de la police. Ouais, ben là, ils ont jumelé. On habite plus à Hochelaga, en fait. Non, ils ont jumelé les deux promenades, Ontario et Sainte-Catherine. Ouais, fait que c'est une promenade S, Hochelaga. C'est la société de développement d'Hochelaga. Ah, c'est ça. OK. Parce que dans le fond, ils veulent. Maintenant, c'est plus seulement Ontario qui veulent. Ils ont comme fusionné les deux. Pour un peu, dans le fond, revitaliser les deux en même temps. C'est ça. Mm. Et donc, du coup, par rapport à l'expulsion, il y a eu l'expulsion de Love Moreau en septembre, qui est arrivée après 20 ans, soudainement, on veut nettoyer, on pense qu'il faut qu'il y ait... Parce que vous parlez des propriétaires, puis que la responsabilité devrait incomber aux propriétaires. Là, finalement, il y a eu un accord entre Ménard et Vito... En tout cas. Et donc, du coup, que là, ça va être transformé en développe d'artistes, rénové, machin, plus cher. De l'autre bord du viaduc, il y a eu la construction des condos, vous en parliez tantôt, avec un logement social qui est juste à côté de la voie ferrée, pour bien couper le son pour les condos de l'autre bord. Ça, bon, ça, c'est une grande réussite aussi. Puis, un espèce de... Je voulais savoir, dans le fond, dans ce développement économique, qu'est-ce que vous pensiez des conséquences sur les gens qui habitent proche des promenades Ontario. Moi, j'ai des amis pareil qui ont un appartement depuis 10 ans, qui payent vraiment pas cher. D'un coup, il y a la ville qui arrive, Brigade Canine, Salubrité, machin. Et du coup, je voulais savoir c'était quoi pour votre perspective ou par rapport à ça, de qu'est-ce qui se développe autour de ce développement économique sur promenade Ontario ou chez... Ben, à terme, je pense que ça va être entre autres comme conséquence que des gens qui avaient choisi le quartier ou qui étaient attachés pour toutes sortes de raisons, qui y étaient nés dans certains cas, ont pu, entre autres, les moyens d'y vivre. Sont chassés. Oui, oui, sont carrément, c'est un nettoyage, comme tu disais. Sont chassés. Ou le nouveau Hochelaga ne correspond pas au quartier auquel ils s'étaient attachés aussi. Tu sais, peut-être le sentiment de ne pas trop avoir sa place dans les... Puis il y a une question de priorité. Là, ils misent sur la promenade Ontario, bon, revitaliser, on va le sortir à toutes les sauces, le revitaliser entre guillemets Sainte-Cat aussi. Ma fille va à l'école dans le quartier, elle est en deuxième année au primaire, puis l'école où elle va, c'est la seule qui n'a pas de problème de moisissure. Il y en a deux qui ont été fermées, sauf que dans les autres, l'air n'est pas top qualité non plus, tu sais, puis... Une de mes amies, son petit garçon, il est obligé d'aller à l'école avec son manteau parce qu'avant qu'il la ferme définitivement, l'école, il laissait les fenêtres ouvertes pour pas... En tout cas, pour qu'il y ait de l'oxygène, sauf que, tu sais, en hiver, je veux dire, je sais pas, il y a peut-être une question de priorité, là. Les gens sont forcés de quitter le quartier. On peut pas respirer dans les écoles parce qu'on est malade, tu sais. Mais il y a des beaux commerces où il y a des condos... Ça, il y a des condos. Qu'un seul, c'est probablement le coût de construction d'un bloc de logement social. Je pense que le problème, c'est que les gens sont chassés de tous les quartiers. Sont chassés des quartiers du sud-ouest, sont chassés d'Hochelaga-Maisonneuve, sont chassés de partout. Les gens vont aller où? C'est ce qu'on se dit parfois, justement. C'est même plus un problème, je pense, de juste Hochelaga ou Pointe-Saint-Charles ou Griffintown. C'est rendu des quartiers qui étaient... des quartiers accessibles, puis il n'y a plus de quartiers accessibles. Même le plateau qui se disait super accessible à gauche et tout, ben c'est rendu que justement, c'est la gauche qui a permis l'embourgeoisement. On veut des petites boutiques, on veut être un peu mignon, on veut avoir des trucs biologiques, des trucs ça, mais ça fait que les gens pauvres qui ont un chèque d'aide sociale de 604 $ par mois peuvent les pas consommer. Même les petits travailleurs, bon, je suis là dans le plus le plus difficile, mais ça fait des gens qui sont pas capables de, d'accéder à ces choses-là, donc ils sont chassés même des quartiers supposément accessibles. Donc on se dit, ben Montréal, est-ce qu'elle va rester une ville accessible tout simplement pour les personnes pauvres? Donc où on va, on est chassé, on peut pas faire des squats, on se fait sortir par des mesures très violentes, on peut plus rien faire, tu sais, avec toute la répression policière, tout ça. Donc les gens sont en situation d'itinérance, puis avec toutes les il y a eu un article dernièrement qui est sorti au niveau de l'itinérance, l'étiquette que les gens sont donnés, puis ça c'est terrible dans le fond, mais les gens ont plus de place où aller. On construit plus d'HLM. Les coopératives, c'est plus rendu de les coopératives que c'était. Plus accessible. Les coopératives. C'est à 95% du loyer médian. Ouais. Ça, c'est la cible. Le loyer médian à Montréal est cher. Le 4,5, je pense que c'est 700 $. Là. Ouais. C'est plus accessible. Puis c'est pas toutes les coops qui sont... donc, c'est des gens qui ont de l'argent, qui veulent juste un loyer moins cher. Puis participer dans une vie coopérative aussi. Donc, on perd tout l'essence... l'éducation populaire puis du militantisme dans les coops. Mais moi, j'ai habité dans le quartier il y a 20 ans. Et je pense qu'il y a 20 ans, là, on pouvait parler de revitalisation. Il y a eu beaucoup de coopératives qui sont implantées. Mm-hmm. Les gens avaient des logements, OK, qui étaient à un prix décent. Relativement puis, neuf à l'époque aussi. Où, il y en a effectivement. Plusieurs des années 80. En fait, il y en a plein qui datent de 25-30 ans, les coops. Et les coops se multipliaient dans le quartier. Il y avait aussi une vie de quartier, OK? Puis graduellement, ben plus de HLM, comme Maud disait. Les coops plus accessibles, OK? De plus en plus... difficile, OK, de mettre sur pied une coop, sauf qu'on met sur pied des espèces d'usines à coop là, ouais, qui sont pas vraiment accessibles, où tu as 75 logements, alors qu'à l'époque, c'était des coopératives de 13-15 logements, OK, et les gens, vraiment, là, prenaient leur quartier en main. C'est ça qui est un peu paradoxal. On parle de revitaliser le quartier, on parle de mixité sociale dans Hochelaga, mais on parle jamais de mixité sociale en Westmount ou Outremont. Hein? C'est ça qui est un peu paradoxal. On dit, faut que les riches et les pauvres vivent ensemble, mais construisons des coops à Westmount, dans ce cas-là, puis dans Outremont, puis dans la ville Mont-Royal. Je suis pas sûr que ces gens-là seraient bien, bien contents qu'on construise des coopératives juste à côté de leur belle maison à 7 millions. La mixité sociale, je pense que dans les termes, c'est un beau terme, tu sais, de justement de pas mettre des ghettos de personnes pauvres, parce que ça malheureusement, quand on est pauvre, ben il y a plein de problématiques sociales, puis mettre beaucoup de problématiques sociales ensemble, c'est pas nécessairement une bonne idée. Mais le terme de la mixité sociale a vraiment perdu son sens dans les années. Là. C'est rendu que la mixité sociale, c'est de plus accepter de pauvres. Dans ma coopérative, toujours, oh mon Dieu, quelqu'un sur l'aide sociale, est-ce vraiment quelqu'un de fiable? Tout ça, on est dans une coopérative et qu'on est censé d'appliquer la mixité sociale. Donc, je pense que ça, c'est un des exemples qui fait que ça a vraiment perdu tout son sens. Puis, comme disait Adam, vraiment, tu sais, c'est la mixité sociale juste pour... faire profiter qui, dans le fond, puis où, puis... En fait, qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai vu un documentaire, justement, des ateliers de Hochelaga Maisonneuve. Il y a une bobine qui était découverte sur les problématiques du quartier, des logements, entre autres. Puis le président de la Ligue des propriétaires, il parlait de mixité sociale. Il disait à ce moment-là, on ne devrait pas construire de logements sociaux, on ne devrait pas faire de ghetto comme ça de pauvres. Puis on devrait construire justement des logements privés qu'on subventionne. Avec des bons propriétaires. Avec des bons propriétaires. Puis que lui-même à cette époque-là, là, c'était un terme, c'est le seul qui tenait ce propos-là, mixité sociale, mais ça a été récupéré finalement. C'est un gars, genre, pis c'est probablement que c'est un terme qui était utilisé un petit peu, mais finalement, tout le monde l'utilise. Même les groupes sociaux, on entend des groupes communautaires parler de mixité sociale dans le quartier, puis ces groupes-là, ils trouvent ça bon, là, qu'il y ait une mixité sociale, là. Donc, puis même... Il y en a toujours une, mais c'est que c'est pas... Elle se faisait comme... Mais là, c'est qu'elle était, elle était pas organisée. À part du haut. C'est ça. Mais en fait, c'est super infantilisant dans le processus parce que ça sous-entend que le vivre collectif précédent, les espaces communs de discussion, de partage d'idées ou juste de vie, n'avaient pas lieu d'être, qui étaient mal conçus, puis que c'est beaucoup mieux quand ça vient du haut, puis que c'est... C'est fait de façon gestionnaire efficace, très hiérarchisée, puis que dans le fond, tout le monde sait mieux que les principaux visés, ce qui est bien. Puis au final, on n'est jamais consulté, la population en général. Les élus, genre, ils font leur plan d'urbanisme, quinquennaux, puis au final, quand vient le temps, ils font des semblants de consultation, ils disent « Ah, ben on vous a consulté, maintenant on est élu, on a un chèque en blanc, puis on peut faire qu'est-ce qu'on veut. » Puis quand... Comme par exemple la fameuse conférence de presse de Carole Poirier, il n'y avait que des élus, il n'y avait pas de citoyens, citoyennes du quartier. C'est qui, elle, pour parler pour nous, tout le monde du quartier? Tout le monde veut ça dans le quartier. Tout le monde veut une revitalisation de mixité sociale, mais au final, là, l'opinion des gens, on la sait pas, parce qu'on veut pas l'entendre. Mais on veut pas l'entendre parce qu'elle fait pas la fin. Ouais. Puis en plus, on dit que c'est une position marginalisée, tu sais. Ah oui, ça. Mais c'est juste comme la manière dont les blocs de condos sont construits, juste comme symbolique, il y a plus de balcon avant. Il y a pas de cour à l'arrière, c'est souvent des stationnements. Fait puis tu sais, les seuls espaces communs, ben ça va être les escaliers intérieurs. Fait qu'il y a plus de place pour parler à ses voisins, finalement. C'est... Ouais. Une question par rapport au comité de travail, justement, on était en train d'en parler. Puis le fait que ce soit un regroupement d'élus, etc. Je vais vous relater, on a été avec le comité bail hier. Puis leur position, c'est pourquoi faire un comité de plus quand il y a tellement de gens qui se battent depuis longtemps sur ces thématiques-là, qu'on a déjà dressé une liste de solutions pour le quartier. Alors ça, c'est une première question. Pourquoi faire un comité de travail supplémentaire quand il y a déjà tellement de travail qui a été fait, des organismes, etc. Puis la deuxième point qui a été soulevé, c'est pourquoi 4 vides brisées choquent autant quand il y a tellement de gens qui se font exproprier pendant l'hiver, pendant l'été, qui se font mettre à la rue pour différentes raisons par les propriétaires, puis que là, ça appelle moins au scandale que 4 vides brisées. C'est peut-être la notion de propriété privée. Un objet qui se fait briser, c'est très très violent. Une personne. Mais une personne qui meurt de faim, pas grave. C'est pas grave dans le fond. Non, parce que elle devrait se prendre en main. Elle l'a cherché. Ben forcément, c'est de sa faute, ok. Il est pas méritant. Alors que la vitrine, tu sais, elle l'a pas choisi d'être une vitrine, ok. Mais en fait, on revient vraiment à la notion de bon et de mauvais bon. Tout à fait. Le bon pauvre, c'est celui qui va écouter les consignes, qui va participer aux structures proposées, disons plutôt imposées par les élus, par exemple. Mais par rapport à ce comité de travail-là, c'est symptomatique de leur manière de fonctionner en général. C'est une négation des structures qui ont été mises en place collectivement par la population. Pour en imposer d'autres jugés plus efficaces, on veut tout quantifier, tout calculer en termes de performance, d'efficacité, de rapport trimestriel, mais finalement, c'est que ça enlève la crédibilité en fait aux groupes qui sont sur le terrain depuis longtemps ou aux initiatives collectives entre voisins ou autres. Puis tu sais, au final, il y a eu une opération populaire d'aménagement il y a quelques années. Puis, je veux dire, toutes ces informations-là, il y a des gens qui se sont déplacés, qui ont marché dans la ville, qui ont vu des problèmes. Ces choses-là, ils sont pas amenés. Donc, à mon avis, ce comité de travail-là, c'est juste un autre comité pour montrer qu'ils se consultent entre eux autres, pour nous mettre ça dans la gorge. En fond, leur solution, ils veulent nous les imposer encore plus. Au final, ils veulent montrer que c'est leur solution, puis que... Tu sais, Carole Poirier est quand même comique, là. Oui! Oui, c'est une drôle de personne. Elle parle de violence, mais tu sais, ces coupures à l'aide sociale, c'est extrêmement violent. Que les gens, tu sais, du jour au lendemain, ils perdent 129 $, les familles, les personnes de 55 à 57 ans, Puis en plus, tu sais, avec leur politique de solidarité durable, qui reconnaissent eux-mêmes que le chèque d'aide sociale couvre environ 49% du panier de consommation, ils l'avouent eux-mêmes. Mais ils ne parlent pas du panier de consommation. Ben, ils parlent du seuil de pauvreté. Selon eux, le seuil de pauvreté est à la mesure du panier de consommation. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas la même définition de ce que c'est la pauvreté d'une part, mais effectivement. Mais en fait, là, la réponse. Ça devrait être 8 vitrines de briser. C'est vrai. OK, parce que ils font un peu chier avec la violence, mais les gens vivent la violence au quotidien, puis ça leur fait pas un pli, OK? Cette violence-là finit par être intériorisée, puis quand t'es au quotidien, t'es occupé à marcher parce que la passe de bus coûte trop cher, à courir les banques alimentaires. Parce qu'il n'y a rien d'achetable, à bouffer des trucs périmés parce que c'est ce qu'on te donne. À essayer de survivre dans tout ça, avec le stress, tout ce que ça implique comme autre problème sur la santé, t'as pas le temps, en fait, même d'aller péter des vies. Non. Je pense qu'ils ont bien résumé qu'est-ce que je pensais. Là. Peut-être qu'est-ce que je rajouterais, c'est que je pense que les élus, Carole Poirier, surtout, s'est très bien tournée à son avantage, n'importe quoi. Donc, elle a su très bien cibler où elle pouvait justement avoir supposée opinion publique à son avantage. Donc, c'est pour ça qu'elle a créé un comité de travail. Puis, en effet, je pense que le comité bail a raison. Par l'OPA, on le voit, les conditions, on le sait, c'est quoi le problème. On n'a pas besoin de créer un comité de travail. C'est souvent la logique des politiciens, politiciennes, de justement créer des comités de travail, des analyses, puis des commissions d'enquête, toutes sortes de cochonneries, alors qu'on connaît très bien les conclusions, mais ils vont galvauder leurs propres conclusions à leur façon. Donc, c'est juste beaucoup d'argent mis, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour profiter à ceux qui organisent les comités. Mais c'est aussi au niveau des partis. Aussitôt que ça change de parti, ils ne veulent pas prendre les études qui ont déjà été faites. Ils veulent faire leurs propres études. Fait que c'est un gaspillage d'argent pour rien qui pourrait être mis pour les personnes, justement, qui sont pauvres. Tout le monde connaît les solutions aux problèmes. Tu sais, c'est pas... Elle les connaît. Carole Poirier les connaît. Tout à fait. Elle veut pas les appliquer. Elle le sait, c'est quoi? Puis sa réponse à dire, je peux pas, je suis vice-présidente de l'Assemblée nationale, j'ai pas de pouvoir. En tant que tel, on n'a pas de député dans chaque Maisonneuve. Donc, elle sert à quoi cette députée-là si au final elle peut même pas ramener l'information? En tout cas, elle le ferait pas de toute façon. C'est ce que je vais aller dire, ça change pas grand-chose. Elle est tellement dans une logique de mensonge, puis même encore plus dégueulasse que ça, l'occupation qu'on a fait, qui a elle-même reconnu, elle a dit vous êtes les bienvenus, tout ça, elle a nommé comme un acte de vandalisme l'occupation de son bureau. Alors que pendant le 24 heures où il y a eu des gens là-bas, puis les jours suivants, son discours dans les médias, puis de façon appuyée, c'était ma porte est toujours ouverte pour les citoyens qui veulent discuter, etc. Ça, c'est ce qu'elle disait. On est retourné, elle était fermée. On est retourné, puis elle était fermée, mais puis il y avait des caméras. Et de la police. C'est le discours il y a quelques mois. Maintenant, effectivement, comme tu dis, Adam, c'est cité comme du vandalisme. Alors que. Elle nous a invité à rester. Puis la fin de semaine dernière, dans le 24 heures, je l'ai gardé, elle parle de justement des vitrines pétées, puis elle dit ce n'est pas la majorité, il y a un mécontentement isolé qui provient de jeunes qui n'ont pas les mêmes idées que les autres, mais je n'accepterai jamais qu'on se lance des roches de la sorte. Fait que tu es déjà préjugé envers les jeunes, tout ce qui est sous-entendu par rapport au fait de ne pas être comme les autres étant le nous avec le grand N majuscule, dont elle est évidemment la porte-parole parce qu'elle est au courant de ce que nous pense. Après, on parle de mixité sociale puis de solidarité durable, solidarité avec qui? Avec ses amis riches. Mais dans l'entrevue qu'on a écoutée, Réa Ménard, qui parlait d'une solidarité de quartier entre les jeunes entrepreneurs, les élus et le SPVM. Oui, dans les invités, le premier nommé, c'était le SPVM. C'est quand même drôle comme vision de solidarité de quartier. Mmh. Puis ensuite, ils ont rajouté les organismes communautaires quand il n'y a en réalité qu'un organisme communautaire qui les soutient. C'est aussi une vision de la solidarité du quartier qui joue à un double niveau de langage, la mixité sociale, mmh. la revitalisation versus la gentrification et mmh. l'exclusion. Mmh. Puis la solidarité, entre qui joue la solidarité. C'est un refus, bon, on le voit très bien dans Hochelaga, mais c'est le même type de situation dans d'autres quartiers. Pour l'autre local où on est comme à la limite de Saint-Michel, Saint-Léonard puis Montréal-Nord. En deux coins de rue, dans toutes les directions à pied, on est rendu dans trois quartiers différents. La différence, c'est que c'est plus loin d'un métro. Peut-être l'isolement des gens se vit différemment. Il y a moins de groupes communautaires dans cette petite portion-là de la ville. Il y en a beaucoup dans Villeray. Montréal-Nord, il y en a quelques-uns, mais c'est très loin pour se déplacer. En bus, c'est long. Tout. Mais on le voit, là, les blocs de propriétaires véreux, là, où il y a 80 100 unités qui sont complètement insalubres. Il y a pas... Il manque d'endroits, en fait, pour se réunir, se rencontrer. Puis... Même des membres que ça fait très longtemps qu'ils sont à l'OPDS, c'est difficile de se déplacer, parce qu'au quotidien, ben, c'est ça. Je me demandais s'il y avait dans Hochelaga une certaine culture de résistance, s'il y a une tradition de solidarité ou de mobilisation ou de résistance. Je pense qu'il y a une tradition de solidarité ou de résistance, mais c'est les groupes communautaires, en tout cas à mon avis, qui la détruisent, là. Nous, quand on a pourchassé Pauline Marois, Carole Poirier, quand elle est venue ici faire des belles annonces... dans le Amélie Bélanger, Amalchie Mélanger, Avachie Déranger, Malran... qui nous ont pointé du doigt, qui nous ont dit qu'on est... qui était d'ailleurs de l'autre côté de la clôture de policiers, là, parce que nous, on n'avait pas le droit d'entrer dans l'enceinte où il y avait Pauline Marois. Mais on est rentré et on a été sorti. Alors qu'il y a des groupes qui étaient de l'autre côté avec Pauline Marois, lui ont serré les mains et se disent de résistance. Donc après ça, on se demande où la solidarité. Puis on a même été, l'OPDS, critiqué, dit qu'on était mal élevé. Voyons donc, on a osé faire ça, pas de classe. J'adore pas. Ça, c'est Carole Poirier qui aurait dit ça, mais les groupes aussi, là, on dit ben voyons donc. Ah ouais. Mais alors que c'est tout parce à fait légitime. On est... Carole Poirier venait juste... pas Carole Poirier, mais le gouvernement venait de faire des coupures à l'aide sociale. Carole Poirier est avec Pauline Marois dans le café, puis annonce des supposés logements abordables. On ne sait même pas trop si c'est des logements abordables sociaux. Vont au Chic Resto Pop faire du PR. Annonce une revitalisation des écoles, alors qu'il y a deux écoles... Oh. Pas des cours d'école. Des cours. Alors que nos écoles sont justement pourries. Les cours d'école. Mais il n'y aura pas de moisissure sur l'asphalte. Effectivement. C'est juste pour se faire du beau capital politique, puis nous, on se fait critiquer. Donc, la culture de résistance, là, sérieusement, il y a un grave problème. Un grave problème d'union, un grave problème de... Donc, pour l'OPDS, c'est moins alléchant de faire de la concertation, supposément, parce que la résistance, elle est où, là? Elle est où encore? Non, mais il y a la question de l'autonomie des groupes aussi. L'action communautaire autonome, que ce soit dans le discours, dans les moyens d'action choisis, il y a beaucoup de groupes qui, avec les années, alors qu'initialement étaient de tradition plus radicale, soit dans les moyens ou dans le discours, ont formaté un peu leur façon de faire sur le modèle de ce que font les groupes de lobby politique ou même les élus pour avoir des sous. Oui, mais qui font des compromis, pas seulement sur certaines choses, mais sur l'essence, en fait, de ce qu'était leur mission ou leur action au départ. Ben, le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre. Justement, Carole Poirier nous a pas donné notre subvention cette année. On a répondu justement par une lettre en lui disant que non seulement ça ne va pas nous empêcher de résister, mais ça nous donne envie d'user davantage de résistance parce que c'est pas c'est pas par la menace qu'on va changer notre mission, qu'on va changer nos façons d'agir, mais malheureusement, trop de groupes vont céder à ce type de menace-là par peur de perdre le financement, mais là, ça fait un cycle tout à fait inquiétant. Dans le contexte d'une ironie profonde, la coupure de la subvention, puis disons que c'était peut-être pas très adroit politiquement non plus, là. Il y a des coupures à l'aide sociale, on est dans un quartier où il y a beaucoup de gens à l'aide sociale ou largement dessous du seuil de pauvreté. Coupe les gens à l'aide sociale, coupe les groupes de défense de droit à l'aide sociale. Et en plus, notre demande, c'était directement pour l'accessibilité à notre organisme, parce que nous, on demandait deux choses. Ben, on le fait quand même là, au final, là, mais c'est sûr qu'on est obligé de serrer encore plus la ceinture. Mais notre demande de subvention, c'est pour des billets d'autobus, pour que les gens viennent aux activités, justement, pour connaître leurs conditions de vie et les améliorer par la suite. Puis aussi pour des repas pour nos assemblées de quartier. Donc, au final, tu sais, je veux dire, c'est pas... La subvention en question, par ailleurs, le nom de la subvention, c'est pour l'action communautaire autonome. Autonome en quoi? Si quand le discours est un peu dérangeant, on l'évacue. Si quelqu'un a un petit mot de la fin, quelque chose que vous voulez rajouter que vous n'avez pas pu dire, ou une conclusion? Vas-y ton petit mot de la fin. Qui était ton mot du début? Qui était mon mot du... Non, mais je pense que dommage que les gens se choquent pas facilement. Dommage vraiment que les personnes, OK, et c'est vrai qu'ils sont écrasés dans leur quotidien, ou dans le fond, oui, OK, Carole Poirier peut poursuivre, OK, dans sa revitalisation de quartier. Mais nous, on va poursuivre dans la bataille contre l'embourgeoisement, contre la gentrification. Puis on espère qu'on est assis sur une bombe à retardement. Okay? Puis c'est sûr et quand ça va péter... Il va y arriver un point de rupture à un moment donné, je veux dire. À un moment donné, il y a des organismes communautaires qui sont très complaisants avant Carole Poirier, puis c'est quasiment leur allié. Mais le problème, c'est que c'est les gens souvent qui vivent la situation, ils sont pas dans le processus de décision de l'organisme en question. C'est ça un peu qui est le problème, c'est que t'sais, les gens, ils refusent de combattre parce qu'ils veulent protéger au final leur emploi. Mais au final, les gens qui vivent la situation de pauvreté, ils n'ont pas voix au chapitre, même dans ces organismes communautaires-là. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKUT 90.3. C'était donc deux super entrevues réalisées par la gang d'Esti. Donc, nos nouvelles chroniqueuses ici sur En profondeur qui ont rencontré l'OPDS et le Comité Bail, deux organismes communautaires de Hochelag. Mais je peux vous remarquer, mais c'était pas juste des gens des organismes, c'était du monde aussi du quartier qui parlait, donc c'est ça, de la problématique des briques dans les vitrines versus l'embourgeoisement. Puis si vous avez aimé ça, vous pourrez réécouter ça soit sur les archives, donc sur le site de sécurité.ca, toutes les émissions sont archivées, ou sinon ces entrevues-là vont être sur le site de la Coop Média de Montréal, montréal.mediacoop.ca, une plateforme de diffusion de journalisme indépendant. Alors c'est tout pour...